Les colonies de vacances de tout le pays ont ouvert la porte à l'occasion de la journée du soleil. Le meeting du premier campement s'est déroulé samedi à la colonie de vacances de Mangyongdae. La colonie de vacances internationale de Sondowon, la colonie de vacances 6 décembre de la province du Gangwon, la colonie de vacances de Sogam et autres colonies de vacances des enfants ont commencé le premier campement.